Écoute, ça s'est passé dans Hashtag. Et nous allons parler avec les contacts, avec l'au-delà, parce qu'il est toujours possible de communiquer avec eux. Alors, il y a deux choses dans la vie, hein, vous le savez, hein, tout le monde le sait. Dans la vie, on a des moments de bonheur où on sort avec ses potes, on fête des anniversaires avec sa famille. On fait des soirées tentes, ou même encore, on assiste à un magnifique mariage, on s'y verra déjà. Oh. Mais on a quand même l'opposé dans la vie. Hein. Toutes ces belles choses sont par exemple accompagnées de solitude parfois, ou d'une déprime, voire pire de tous, c'est assister à un enterrement. Alors pour cette chronique du jour, hein, en rapport avec cette thématique, j'ai choisi justement ce dernier point où je vais m'attarder. Après l'enterrement, il y a un deuil à faire, hein. Tout le monde doit passer par là, de près ou de loin. Alors certaines personnes le font plus facilement que d'autres, mais c'est pas pour autant que différents signes du défunt peuvent apparaître, et c'est justement là où je veux en venir. Quels sont les signes qu'un proche décédé est à proximité de nous? Alors j'en ai trouvé 10 de signes qui, entre autres, pour ma part, ont été prouvés. Alors tout d'abord, il y a les rêves. Pendant que nous dormons, les esprits subconscients sont ouverts au monde de l'au-delà, comme disait Romain tout à l'heure, et ont tendance à communiquer à travers les rêves. Rêver d'une personne décédée régulièrement sur un mois par exemple, prouve que cette personne essaye de vous faire passer un message et de venir en contact avec vous. Vous pouvez par exemple essayer de décrire par exemple en notant vos rêves au petit matin et regarder à quelle fréquence vous rêvez de cette personne et de quoi vous rêvez surtout, dans quel endroit, etc. Moi par exemple, comme je vous l'ai dit une fois, j'ai rêvé deux fois de ma mamie et ça a été donc un message que j'ai découvert par la suite. Deuxième signe, c'est les senteurs. Par exemple, les parfums, les odeurs, un plat préféré du défunt sont également un signe. Par exemple, que la personne décédée est près de vous, par exemple. Troisième signe, c'est les objets disparus. Des fois, vous pourriez donc avoir l'impression que votre objet disparaisse ou qu'ils sont éparpillés, par exemple, et qu'à la base, vous ne le trouvez plus au final. Vous le trouvez plutôt dans un autre endroit de la maison. Voilà encore un signe que la personne en question qui vous a quitté est bien là. Parfois, la force de l'esprit peut faire déplacer les objets, comme l'a dit tout à l'heure Romain, ou encore Jérémy. Si vous avez encore des objets qui lui appartiennent, que vous avez gardés en souvenir, et qu'un jour, vous voulez les revoir, si elles sont toujours bien rangées, il n'est peut-être pas impossible que ces souvenirs ne soient plus à l'endroit où vous l'aviez déposé au départ. Alors les chansons, il y a aussi les chansons où vous êtes dans votre voiture, où vous êtes à la maison, et à la radio vous entendez une chanson qui vous fait penser à la personne décédée, par exemple, que la personne elle aimait bien cette chanson, ou il aimait bien. Alors ça pourrait encore une fois être l'esprit de votre proche décédé qui essaie de communiquer avec vous. Il y a les pensées. Rien que de penser à la personne est tout simplement un signe. Des endroits où vous êtes senti bien avec cette personne est également un espoir que la personne veut rentrer en contact avec vous. Puis aussi un sixième signe, ce sont les cadeaux inattendus. Dans la vie, il vous arrive parfois de recevoir des cadeaux inattendus qui vous font plaisir et vous réchauffent parfois le cœur pendant vos moments de solitude, de tristesse ou de déprime, tels qu'un appel d'un ami ou d'un proche, une visite imprévue, une surprise, etc. Ceci est une preuve, encore une fois, d'un signe qu'un défunt veut rentrer en contact avec vous. Septième signe, rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Ah oui, des fois, vous faites des rencontres quand vous y attendez le moins. Par exemple, si vous passez par une période difficile dans votre vie ou que vous vivez une déprime, l'esprit de votre proche décédé essaye de vous réconforter ou en vous envoyant une personne sur votre chemin. Cette rencontre inattendue sera comme un rayon de soleil qui illuminera votre existence. Huitième signe, c'est les signes pendant l'enterrement des funérailles. Ça, vous avez peut-être déjà remarqué. Selon certaines croyances, les êtres décédés assistent à leurs propres funérailles après leur mort et réconfortent leur famille et leurs amis à travers des signes qu'ils essayent de leur transmettre de là où ils se trouvent. Cela peut être un effleurement d'épaule, une caresse sur la joue ou un souffle dans les cheveux. La voir à travers nous, tout simplement une odeur, ou voir la personne à travers une autre personne. Avant-dernier signe, c'est le neuvième, les animaux de compagnie. Attendez. Ouais. Attendez. Certaines personnes ont des animaux de compagnie. Qui en a autour de la table? Moi. Est-ce qu'il y a des personnes? J'ai un petit chat. Ah non, j'ai deux chiens, trois chiens. J'ai un chat. Un chat, tiens. Ah non, j'ai pas de chat. Enfin, si, un chat, mais je ne sais pas. On parle aussi que les chats ont un sens que nous n'avons pas avec les morts. Ça, c'est vrai. On en a parlé tout à l'heure. Hein. Ah, on en a parlé tout à l'heure. Les signes peuvent se manifester par la queue de votre chien qui soudainement se met à bouger. Ouais. Ou pour aucune raison. Mais aussi pour les chats. Cela peut se manifester par des miaulements lorsqu'ils dorment ou encore que le ronronnement soudain apparaît. Et enfin, le dixième signe. La recherche de veille, de vieilles habitudes. Ouais, sois un petit, tu parles de quelque chose de très sérieux, Xavier. Sois un petit peu plus. Les personnes décédées essayent aussi de garder leurs habitudes. Par exemple, si votre grand-père avait du mal à garder les lumières allumées, son esprit tentera de les éteindre. Il essaye de reproduire ce qu'il faisait avant. Voilà donc informé aux différents signes qu'il est possible d'avoir d'une ou d'une ou d'un proche, par exemple. Faites peut-être attention et vous verrez. Vous pourrez être très surpris. Merci beaucoup Xavier pour cette séquence très intéressante. On continue le programme. J'avais peut-être une petite question avant de poursuivre. Si tu as une question, vas-y. Qui est sérieuse. On t'écoute. Et donc, c'est une fois j'étais avec ma maman. Et on était à la maison. Maman, elle nous écoute là ou pas? Je pense. Eh ben bonjour Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour Brigitte. Et donc j'étais à la maison et à un certain moment, je sais pas, j'ai crié. Est-ce qu'il y a un esprit dans la pièce qui se manifeste? Oui. Non mais c'est sérieux. Attends, attends. Et tu veux que je vienne chez toi au soir? Attends, écoute-moi. Et j'ai entendu un bruit en haut. Est-ce que Romain, justement, par rapport à ça, j'attendais la chute aussi. C'était ça. Et par rapport à ça, Romain, est-ce que c'est dangereux de rencontrer en contact avec les esprits de au-delà? Alors, quand tu rentres chez toi et que tu cries chez quelqu'un, il y a une solution, ça s'appelle un psychologue. Mais non, mais voilà. Donc, répète ta question. Est-ce que c'est dangereux de rentrer avec les personnes de l'au-delà ou pas? Rentrer en contact avec la personne de l'au-delà, bah ça dépend. Ça peut être dangereux, non, je ne pense pas. Maintenant, tout dépend qui on peut appeler. À partir du moment où on ouvre une porte, on ne sait jamais vraiment qui peut passer cette porte-là. Et donc, on peut attirer autant les ondes positives que les ondes négatives. Donc, voilà, il faut se préparer. C'est comme on parlait du Ouija tout à l'heure. Ben, le Ouija est une porte ou une fenêtre, on s'en fout. Hein. De toute façon, le but, c'est de rentrer ou de sortir. Oui, enfin... encore une histoire qui va encore tourner autour du trou. Bon, on n'a déjà pas lancé. Hein. Non, mais il faut faire attention parce que voilà, on joue à des jeux, on parle. On ne sait jamais qui on est réellement. Par rapport à la transcommunication, hein, je ne parle pas encore une fois d'autre chose. Transcommunication, bah, c'est le fait d'écrire et de ressentir en fait la main qui, par exemple, partirait toute seule et on commence à écrire et il y a quelqu'un qui passe, une entité qui passe à travers nous et on écrit en fait. C'est pas des spams, non, ça n'a rien à voir. Ça peut l'être aussi. Mais si ça revient fréquemment, c'est. Si t'arrives à 80 ans et t'as ta main qui va toute seule, n'essaye pas d'écrire. Non, ça n'ira pas.